vibrations, l'écho du monde dans lesquels mes yeux se confondent. Ma poésie du quotidien, elle décortique l'être humain, voit le grand dans l'insignifiant, comme le font si bien les gamins. On me dit bien souvent que les pieds sont faits pour rester sur la terre avec les vivants, qu'il y a bien assez de feignants comme ça chez tous les garçons de mon âge, et que dans le monde où je suis né, les gens n'aiment pas trop les nuages. Petit à petit, je fais le deuil de cette jeunesse que j'aimais tant, les dessins, les bons points, dernier vestige d'une vie d'enfant. Je ne ferai plus le pitre en classe, le temps passe sous mes vieilles godasses, et même si mes pompes sont toutes trouées, j'espère bien encore m'amuser. Et c'est pour cela que je chante, que sans cesse j'écris, que je crie mon amour pour le genre humain, pour ce monde qui tient dans ma main. J'ai mis des crayons plein mes poches pour colorier les idées sombres. Je préserve mes grands yeux de mioche au cas où un jour le ciel gronde. Une marionnette, mes fils s'en mêlent dans la tempête qui fait rage, se propage par contre mon corps des pieds à la tête. Comme tout le monde, il m'arrive d'être triste, mais je ne suis pas fataliste. Je me souviens des jours heureux pour traverser les jours pluvieux. Il paraît que les années et le temps sont assassins, qu'ils entraînent dans le ravin les rires et les cris des gamins. Alors je traque la bonne humeur, me chuchote un bel avenir. Je regarde en face le meilleur, imprime sur mes lèvres un sourire. Et c'est pour cela que je chante, que sans cesse j'écris, que je crie mon amour pour le genre humain, pour ce monde qui tient dans ma main. J'ai mis des crayons plein mes poches pour colorier les idées sombres. Je préserve mes grands yeux de mioche au cas où un jour le ciel gronde. Paya pam pam. L'enveloppe parsemée de rides, un témoignage du temps qui passe. Le petit refrain des années aura ses sûres raisons de moi. Alors je prends la vie du bon côté, je suis conscient, c'est déjà ça. Humaniste à ma façon, j'aime regarder vivre le monde. La vie des autres ricoche sur mes rêveries vagabondes. Quelques notes griffonnées, j'écris pour ne pas oublier le cri de mon imagination, de la mécanique de mes songes. Et c'est pour cela que je chante, que sans cesse j'écris, que je crie mon amour pour le genre humain, pour ce monde qui tient dans ma main. J'ai mis des crayons plein mes poches pour colorier les idées sombres. Je préserve mes grands yeux de mioche au cas où un jour le ciel gronde.